apprennent que les poètes ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. Hola, soy Andrés y eso es la chanson programada de Canción Francesa de Radiopolis. En ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la la la la la la la. Buenos días. Nuestra tercera familia de artistas será la formada por Françoise Hardy, su marido Jacques Dutronc y su hijo común Thomas. De los tres, Françoise Hardy es la más conocida fuera de Francia. Su estilo de canción sentimental es más exportable que el de su compañero. Algunos dicen que Jacques es el primer punk francés, mucho antes del momento de esa moda, porque empezó a cantar en el 60. Un punk dandy, eso sí, y que conservará a lo largo de los años la imagen a la vez irreverente y elegante. A pesar de haber publicado solo una docena de discos en 50 años, sigue ocupando un lugar privilegiado en la memoria musical francesa, seguramente porque trató temas inusados y de una manera llamativa. Empezaremos con su mayor éxito, Paris s'éveille, Paris se despierta, que es el retrato de la capital a las 5 de la mañana entre la noche y el día. Son las 5, París se despierta, el café está en las tazas, los periódicos impresos, los obreros deprimidos, los enamorados cansados, los panaderos en el horno, las estaciones llenas, son las 5 y no tengo sueño. Escuchemos Paris s'éveille de Jacques Dutronc del año 1968. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Jacques, già componía para Françoise Hardy, que había conquistado inmediatamente la fama con Tous les garçons et les filles, antes de que él fuera conocido, unos 5 años antes de formalizar su relación sentimental, que fue una de las más duraderas del mundo artístico en Francia. Siguen casados, aunque separados, él viviendo en Córcega y ella en París. Ya han dejado los escenarios hace tiempo y tampoco publican discos. El último de él fue Madame Existence en el 97. El último de ella, pues... ay, se me ha olvidado. bueno, fue en 2012. Y se rumorea que Françoise Hardy, después de haber superado el cáncer que tenía, estaría grabando de manera clandestina. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, vamos a escuchar L'Anne Amour, una canción que le escribió Gainsbourg a Françoise Hardy, que se la había pedido. Una canción difícil de interpretar, como tantas otras de Gainsbourg. El prefijo Anna, pudiendo referirse a la ausencia de amor o también al amor anal. Te amo y temo extraviarme y dejo semillas de amapolas en los adoquines del amor. Busco en vano la puerta exacta, canto la historia extraña de tus anamores transitorios. Creí oír hélices, pero solo era un ventilador en el trullo. En resumen, el amor como la droga es un viaje, pero que puede acabar mal. Escuchemos L'Anne Amour de Serge Gainsbourg, cantado por Françoise Hardy, del año 1968. Aucun Boeing sur mon transit, aucun bateau sur mon transat. Je cherche en vain l'info exact, je cherche en vain le mot exact. Je chante pour les transistors le récit de l'étrange histoire de mes anamours transitoires, de belles quatermains qui t'aiment. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'âme amour. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises à tout sans hasard. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives ont parlé. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'âme amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'âme amour. Je t'aime et je crains de m'égarer. En 1973, tres de su unión nacerá Thomas, que con el tiempo se ha hecho un nombre en la canción francesa. No es fácil ser el hijo de dos ídolos. Ha encontrado su estilo, el de la guitarra manouche. Los manouches son los gitanos del norte de Francia, cuyo máximo exponente fue el famoso Django Reinhardt, y se ha hecho famoso como guitarrista antes de lanzarse a la canción. Vamos a escuchar su canción más famosa, que hace eco a la de su padre, que se llama J'aime plus Paris, ya no me gusta París. Ya no me gusta París, siento que me ahogo, todo el mundo corre, veo demasiada gente, incluso de oro, París se ha muerto, son las 5, París se duerme. No quiero ver a nadie, me gustaría ver el mar, pero París es toda mi vida, es la más bonita, eso es el problema. Escuchemos J'aime plus Paris de y por Thomas Dutronc del año 2007. Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances. Je fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens est gris. Je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris. On court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. Et j'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. Prépare une arche de la Noé. Tu vois bien. On veut se barrer, même plaque et or. Paris est mort, il est 5 heures. Paris s'endort, je sens j'étouffe. Je manque de souffle, je suis tout pâle sur un petit bout. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne. Couper mon téléphone. Vivre comme les nonnes. Je parle pas de John. J'aime plus Paris. Passer le périph, de pauvres airs n'ont pas le bon goût d'être millionnaire pour ces parias. La ville lumière, c'est tout au bout du RER. Y'a plus de Titi, mais des minets. Paris sous cloche, ça me gavroche, il est fini. Le Paris d'Audiard, venez aujourd'hui voir celui des diables. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. J'irais bien voir la mer. Écouter les gens se taire. J'irais bien boire une bière. Faire le tour de la terre. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. Pourtant Paris, c'est toute ma vie. C'est la plus belle. J'en fais Paris. Il n'y a qu'elle. C'est bien ennui. J'aime plus Paris. Otro gran éxito de Jacques es Et moi, et moi, et moi. Y yo, y yo, y yo. Una canción que retrata el egoísmo pequeño burgués y, como otras canciones de él, sigue muy vigente. 700 millones de chinos, y yo, y yo, y yo, con mi pequeña casa, mi dolor de cabeza. Lo pienso y se me olvida. Es la vida, es la vida. Y yo, y yo, y yo, con mi coche y mi perro, mi stick y manillas, mi régimen vegetariano y todo el whisky que me trago como un gilipollas de parisino. Espero mi sueldo a fin de mes, lo pienso y se me olvida. Es la vida, es la vida.

corps, mais incertain. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi. Regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui, pour tes grands yeux, tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. El tema siguiente se hizo viral en la época, como se dice hoy. Sonaba tanto en la radio que hasta el primer ministro Pompidou lo citó en el Parlamento. Se llama Les Cactus, los cactus. El mundo entero es un cactus. Es imposible sentarse. En la vida solo hay cactus en su corazón. Hay cactus en su sonrisa, hay cactus en su buenos días, hay cactus, etcétera, etcétera. Escuchemos Les Cactus, cantado por Jacques Dutronc, del año 1966. Dans leur Le temps de l'amour et le tempo de la mort est autre grand éxito de Françoise Hardy. Vamos a escuchar una versión cantada por los dos, Françoise y Jacques. Es el tiempo del amor, el tiempo de los amigos y de la aventura, porque el tiempo del amor dura para siempre, se recuerda. Nos parece que a los 20 somos el rey del mundo. Un buen día llega el amor y el corazón se acelera. Somos felices de estar enamorados. Escuchemos Le temps de l'amour, cantado por Françoise Hardy y Jacques Dutronc, del año 1962. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est le roi du monde. Et qu'éternellement, on verra dans nos yeux le ciel plus bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. On tourne. Un beau jour c'est l'amour et le cœur va plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux, n'est-ce pas? Berno. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Éternellement, on verra dans nos yeux le ciel plus bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. C'est le temps de l'amour, c'est le temps des copains et de l'amour. Là, il chante, ça doit être fini. Seguimos en la vena irreverente de Jacques Dutronc con ese monumento de la canción que ha llamado L'hôtesse de l'air, la azafata. Toda mi vida he soñado ser una azafata, tener tacones y las nalgas al aire. El avión está secuestrado, desatad sus cinturones, liberad vuestros complejos, cambiad vuestras actitudes. Todo el mundo se desnuda, que empiece el toqueteo. Creo que hoy en día no se podría ya hacer esta canción. Escuchemos L'hôtesse de l'air de Jacques Dutronc del año 1970. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air.

Jacques Dutronc tiene una fama de seductor que se encarga él mismo de cultivar en sus canciones como en lo plus difficile, lo más difícil. Lo más difícil no es encontrarla, es dejarla sin hacerle daño. No es que hable, es que grite sin hacerle daño. No es encariñarse, es alejarse sin perder su prestigio de macho. Está claro que hoy en día esta canción no mola. Escuchemos Le plus difficile de Jacques Dutronc del año 1968. Ce n'est pas de la rencontrer. Le plus difficile, c'est de la laisser tomber sans qu'elle se fasse trop mal. Le plus difficile, ce n'est pas de la faire parler. Le plus difficile, c'est bien de la faire crier sans pour autant lui faire mal. Les gens qui croient que tout est facile, ce sont toujours des vieux fossiles. Ce sont des hommes de Cro-Magnon. Moi je suis un gros mignon. Le plus difficile, ce n'est pas d'y être attaché. Le plus difficile, c'est surtout de s'en détacher sans perdre son prestige de mal. Le plus difficile, ce n'est pas de me laisser tomber. Le plus difficile, c'est de pouvoir me rattraper parce que tout m'est égal. Les gens qui croient que tout est facile, ce sont toujours des vieux fossiles. Ce sont des hommes de Cro-Magnon. Moi je suis un gros mignon. Le plus difficile, ce n'est pas de me faire parler. Le plus difficile, c'est surtout de me faire chanter sans me donner quelque chose. Le plus difficile, ce n'est pas de me faire tordre de rire. Le plus difficile, c'est de me faire se sourire sans que j'y perde quelque chose. Les gens qui croient que tout est facile, ce sont toujours des vieux fossiles. Ce sont des hommes de Cro-Magnon. Mais moi je suis un gros mignon. La última escena de Jacques Dutronc fue en agosto pasado en lo que se llamó Les Vieilles Canailles, las viejas canallas. Era un trío que formaba con Johnny Hallyday y Eddie Mitchell. Desgraciadamente ese trío ya no podía ser porque Johnny ha muerto en diciembre pasado. Terminaremos con una canción a dúo entre Françoise y Jacques que se llama Brouillard dans la rue Corvisart, niebla en la calle Corvisart. La calle Corvisart es una calle del distrito 13 de París, una calle cualquiera sin nada reseñable. En esta canción repiten los dos siempre la misma palabra, même, mismo, misma, mismas, mismos en singular y en plural. Es decir que en esa canción quieren decir que nada cambia, todo se repite, la insignificancia de la vida. Antes de despedirme, quería recordar que si queréis podéis volver a escuchar este programa en la página web de Radiopolis, en La Chanson, o en La Chanson Radiopolis en Facebook. Hasta el mes que viene. Escuchemos Brouillard dans la rue Corvisart, cantado por Françoise Hardy y Jean-Jacques Dutronc del año 1978. toutes ces choses-là, on se les murmure tout bas, le soir dans la rue Corvisa. Le bar tabac a éteint ses billards, brouillard dans la rue Corvisa. Toujours les mêmes, même pavés, même paumés. Toujours les mêmes, même soupirs, même souvenirs, même détresse, même adresse, même saison, même maison. Toujours les mêmes, même chanson, même plus de bar. Ces choses-là, on se les murmure tout bas, le soir dans la rue Corvisa. Si seulement une seule fois, brouillard, un homme dans la rue Corvisa. Toujours les mêmes, même pavés, même paumés. Toujours les mêmes, même trottoir, même histoire. Même blessure, même chaussure, même migraine, même rengaine. Toujours les mêmes, même cafard, même mouchoir. Brouillard dans la rue Corvisa. Toutes ces choses-là, on se les murmure tout bas, le soir dans la rue Corvisa. Dans la rue Corvisa. Si seulement une seule fois, quelqu'un dans la rue Corvisa. Un homme, une femme, juste une seule fois. Brouillard dans la rue Corvisa. Que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la la la la la la la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons cours ton corps dans les rues.